Pourquoi distinguer des époques historiques ? En préparant cette chronique, j'ai pensé aux auditeurs qui ont des enfants ou des petits-enfants en classe de 6e. Le cours d'histoire débute en effet par une présentation globale de l'évolution de l'humanité, divisée en époques historiques, depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Les bornes chronologiques qui servent à séparer les époques correspondent à des dates très précises, que les élèves sont invités à retenir d'emblée. La préhistoire se serait achevée en 3000 avant Jésus-Christ, donnant naissance à l'Antiquité. Cette nouvelle époque historique aurait pris fin brutalement en 476 suite à l'abdication de Romulus Augustule, le dernier empereur romain. C'est alors qu'aurait débuté le Moyen-Âge, qui aurait duré 1000 ans pour s'achever en 1492, quand Christophe Colomb découvrit l'Amérique. Nous serions ainsi entrés à l'époque moderne, qui aurait elle-même laissé la place à l'époque contemporaine après la Révolution de 1789. Ce schéma évolutionniste a commencé à émerger dès les 14e, 15e siècles dans les écrits des humanistes italiens. Il a été prolongé ensuite par les historiens des 18e et 19e siècles avant d'être diffusé largement dans toutes les couches de la population grâce aux manuels scolaires. À partir de la Troisième République, le découpage en époques historiques a aussi joué un rôle essentiel dans la recherche universitaire, car c'est à partir de ce découpage que s'est développée la spécialisation des historiens. La distinction entre antiquisant, médiéviste, moderniste et contemporanéiste joue aujourd'hui encore un rôle fondamental dans la structuration de la discipline historique. Pourtant, ce découpage n'a rien d'objectif. Dans le cadre de cette chronique, je ne prendrai qu'un seul exemple, il concerne l'invention du Moyen-Âge. Les érudits des 14e, 15e siècles, qui ont redécouvert les textes des auteurs grecs et latins, ont justifié leur travail en imposant l'idée d'une renaissance, terme qui allait de pair avec la dévalorisation du Moyen-Âge, vu comme un âge intermédiaire. C'est le sens de l'adjectif « moyen » entre l'Antiquité et sa redécouverte par les humanistes. Il est vrai que la date de 476 marque la chute du dernier empereur romain chassé par le chef d'une tribu germanique. Mais cette date ne signifie pas qu'une rupture brutale se soit produite à ce moment-là, comme l'affirment encore aujourd'hui certains manuels d'histoire. De nombreux travaux ont montré en effet que l'empire gréco-romain s'était effacé lentement entre le 3e et le 7e siècle. La date de 1492, qui sert à marquer la fin du Moyen-Âge, peut aussi être critiquée, sauf si l'on précise que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb a été en réalité une redécouverte, puisque les Amérindiens avaient pris pied sur ce continent il y a 20 000 ans environ. Les présupposés qui sous-tendent ces découpages chronologiques, fondés sur des dates clés, ont aussi pour inconvénient d'occulter les phénomènes de longue durée qui enjambent plusieurs époques. L'un des exemples les plus significatifs est celui de l'État moderne qui émerge au Moyen-Âge et auquel nous obéissons toujours aujourd'hui.